transférerai à Baptiste et j'imagine que... Oui, là, apparemment, j'ai de la batterie, donc on peut espérer que ça va marcher. Bon, alors, on va commencer sans tarder, parce que Yann devra partir tout à l'heure pour aller donner un cours. On a la joie aujourd'hui de recevoir Yann Régis-Janas, qui est chercheur dans l'équipe PR2 du laboratoire PPS, donc chez l'ennemi, Paris 7, chez l'ennemi d'ici. Et ce dont il va parler, c'est un phénomène qui arrive régulièrement dans le domaine des concepts informatiques. C'est des concepts qui deviennent obsolètes et qui ensuite connaissent une nouvelle jeunesse. C'est un phénomène que décrit Tannenbaum dans le livre Système d'exploitation, en donnant plusieurs exemples comme ça de concepts qui sont devenus obsolètes et puis qui ensuite sont revenus sur le devant de la scène. Et donc là, ce sera la notion de go-to qui va devenir obsolète et puis revenir par une porte dérobée sous forme de continuation. Donc merci Yann. Et, vas-y, on t'écoute. Bien, merci pour l'invitation. Donc dans cet exposé, je vais essayer de parler d'une lutte de pouvoir pour le contrôle du calcul. Et par contrôle du calcul, je veux juste dire la capacité à déterminer dans quel ordre sont faits les calculs, les instructions par les unités de calcul. Et bien, comme on est dans le similaire code source, je vais essayer de faire ça en l'illustrant par des listings, par des codes sources. Alors, le plan de l'exposé, d'abord je vais rapidement revenir sur les années 60. Je suis désolé, j'aurais pu mettre une tenue adéquate avec, pas d'éléphant, peut-être. Ah non, c'était 70. Donc, je sais pas bien, mais... Donc on va parler donc de comme vous voyez, de la préhistoire de la programmation, le Moyen-Âge, enfin, non, je ne sais pas. Enfin, c'était ces gens-là. Mais... des années 50, oui. Oui, voilà, je ne veux pas. Non, mais je veux des débuts de la programmation. Donc, d'abord, on parlera donc, d'un fameux article de Dijkstra sur le GoTo et sur le fait qu'il serait préférable, d'après lui, de supprimer ce mécanisme de programmation. La réponse de Knuth. Indiquant qu'on peut très bien utiliser le go-to de façon raisonnable, raisonnée. Après cette bataille, on reviendra sur un point de vue un tout petit peu différent sur le contrôle, hein, qui a été formulé par Peter Landin, en anglais. J'ai toujours dit Landin, mais en fait, je m'aperçois que c'était plutôt Landin, quelque chose comme ça. Et enfin, on essaiera de se transporter dans la programmation d'aujourd'hui pour voir ce qui est resté de toutes ces discussions, ces batailles. En particulier, comme l'a dit Baptiste, le go-to est revenu sous une forme peut-être plus polie, plus contrôlable. Et ce qui est marrant, c'est qu'il est revenu avant d'avoir disparu, parce que... En fait, oui, il n'a jamais vraiment disparu. Non, il a disparu de la programmation structurée. Parce que c'est 64 et 68. Effectivement. Alors, après, il faut voir que Dijkstra publie son papier après avoir... Enfin, ça, c'est une lettre à l'éditeur, et c'est suite à tout un tas de travaux sur Algol. Donc, je pense qu'il avait déjà en tête que la bonne façon de représenter le contrôle, c'était certainement ce qui était raconté par Peter Landin. Il n'était pas du tout ignorant des travaux de Peter Landin, au contraire. Mais Dijkstra essaie de parler aux informaticiens de l'époque et pas aux théoriciens qui avaient déjà de l'avance sur la façon de structurer les calculs, hein, sur les langages de programmation. Alors, donc les années 60. Donc les années 60, c'est le début de la civilisation pour les programmeurs, suite à, donc, à une crise. Du logiciel, donc à un point où on s'est aperçu que le coût de la construction du matériel était en fait bien inférieur au coût cumulé du développement du logiciel. D'accord. Donc on voit ici Romulus et Rémus, un informaticien qu'on connaît bien avec sa VAM, et puis un ingénieur qui connaît ses lunettes, mais l'absence de barbe. Donc l'un et l'autre ont du mal à s'entendre. L'ingénieur construit des systèmes, c'est compliqué, ça tient pas très bien, enfin à l'époque en tout cas, très robuste, hein, mais bon, il y arrive vaille que vaille. Puis l'informaticien écrit du logiciel qui n'est pas très adapté au système, et donc pour faire rentrer le carré dans le losange, il faut changer un peu de méthodologie. Et il y a une époque où on se dit que finalement on n'a qu'à reprendre les méthodologies classiques de l'ingénierie, donc développement en V, enfin, de choses bien connues pour construire des ponts. Puis on s'est aperçu qu'en fait, il y avait des principes un peu différents qui s'appliquaient à la construction du logiciel. Alors je vous passe toutes les discussions de génie logiciel, mais si on doit résumer un petit peu ce qu'on a appris, entre autres choses, on a appris à l'époque, et puis on continue à apprendre que finalement, pour qu'on soit un bon logiciel, il faut pouvoir prendre chaque composant logiciel, l'isoler, pouvoir raisonner sur son fonctionnement localement, regardant juste son code source et pas le reste. Et puis on a aussi appris que pour bien construire des composants, il fallait jouer au Lego, donc les connecter, d'accord, et pas les mélanger. D'accord, c'est ce qu'on appelle la composition. Et puis, ça, c'était l'aspect méthodologique. Du point de vue du logiciel, quand on le regarde, c'est un beau logiciel, c'est un logiciel dans lequel les responsabilités de chaque module sont bien claires et sont bien séparées. Puis les interdépendances entre les logiciels sont minimales, donc les interfaces, les protocoles de communication sont toutes petites. D'accord. Alors pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, tout ça, c'est pas fait pour la machine. La machine, elle peut très bien se contenter d'un programme écrit en langage machine, en binaire ou en assembleur, avec des noms de registres tirés aléatoirement. Programmer, c'est surtout, à cette époque, on l'a compris, hein, une activité humaine, une activité de communication entre les programmeurs. Donc on a un logiciel gigantesque à produire avec une grande équipe de développeurs. Bah, ce qui compte, c'est que chacun ait une idée bien claire de ce qu'il doit faire dans ce logiciel, quelle est la brique sur laquelle il doit travailler, il doit pouvoir vérifier sa brique indépendamment des autres. Et puis pour que tout se connecte très bien, il peut discuter et donc définir un protocole d'usage de sa brique et vis-à-vis des autres, et puis aussi comprendre les protocoles exposés par les autres programmeurs sur le bon usage de leurs composants logiciels. D'accord ? Donc finalement, programmer, c'est bien plus de la communication entre humains que... Enfin, c'est tout autant de la communication entre humains que de la communication avec la machine. Donc aujourd'hui, on va parler donc de cette bataille pour la négociation du contrôle. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, vous avez des composants logiciels dans un logiciel, et puis les programmeurs doivent s'entendre sur qui exécute, qui a la main, dans quel ordre sont exécutées les différentes instructions de ces composants logiciels. Et donc... Dijkstra en 68 est arrivé avec une vision extrêmement dictatoriale de cette affaire-là. Mais avant de raconter ce que dit Dijkstra, donc il y a en 2003, j'étais dans un bar, ça m'arrive plus maintenant, je suis trop vieux, dans le 11e, et je suis tombé sur un programmeur anonyme qui devait avoir à l'époque peut-être 70 ans, je n'ai jamais su son nom. Par contre, on a commencé à parler programmation assembleur, code auto-généré, auto-modifiant, des choses comme ça. Je voyais c'est une sorte de poète déchu qui avait des étoiles dans les yeux quand on parlait de tout ça. D'accord. Il m'a avoué au bout de plusieurs heures de discussion qu'en fait, tout ça, c'était vraiment sa passion et que vraiment, quand ils ont introduit cette fichue programmation structurée, il a été obligé de tout abandonner parce qu'on lui retirait tous ses moyens d'expression. D'accord, il a eu l'impression qu'on lui supprimait sa liberté d'expression à l'époque. Et donc il a arrêté de programmer à cette époque-là, il a fait complètement autre chose. Donc c'est un programmeur assembleur et Fortran. Et donc, le choc du papier de Dijkstra, ça a été tout un tas de programmeurs en dépression, parce qu'on leur avait retiré leur moyen de s'exprimer. Bon, alors donc on va avoir deux exemples de programmes écrits librement avec cette définition, c'est-à-dire avec l'idée qu'on ne leur interdit rien, tout est possible. Alors le premier programme, c'est un programme Fortran. Il est relativement petit. Un point important, c'est que je vais utiliser beaucoup de langages de programmation différents. Vous programmez peut-être pas en Fortran, ou en Camel, ou en C. Donc n'hésitez pas à m'interrompre, à me poser des questions sur le code source. Donc, je vais essayer de commenter, de décrire. Alors celui-ci, je ne vais pas vraiment le commenter ligne à ligne. Je vais d'abord vous expliquer ce que signifient les instructions. Il n'y a pas beaucoup d'instructions différentes ici, mais l'idée c'est que le if ici prend un entier, puis les trois valeurs qui sont là, ça correspond au numéro de la ligne où on doit sauter si la valeur qui est ici est négative, nulle ou positive. D'accord ? Et puis le reste, finalement, c'est assez simple. Le goto, bien, on saute à une certaine ligne, hein, et puis ici on voit des affectations. Donc c'est un programme assez simple. Les entrées et les sorties sont présentés par la commande, le mot-clé read pour l'entrée et write pour la sortie. Donc je pense que le programme se lit. Alors maintenant, est-ce qu'il se comprend Les étoiles, virgule étoiles. Alors les étoiles, je ne sais plus ce que c'est exactement. Quelqu'un sait. Je pense que c'est pour caractériser sur quoi on sort. Mais sur la taille des buffers d'entrée et de sortie, il me semble. Il n'y a pas de programmeur Fortran dans la salle. Je peux dire n'importe quoi sur Fortran. C'est bien. Très très bien. C'est le genre de choses qui se lit de toute façon. Donc ce programme, ce que je veux montrer d'abord, c'est sa propriété d'être un code spaghetti. Donc un code spaghetti, c'est le fait que le graphe de flow de contrôle, donc le graphe de flow de contrôle, c'est un graphe dont les nœuds sont les instructions, puis les transitions, c'est il y a une transition entre deux nœuds si on peut passer d'un nœud à l'autre à travers le calcul, d'accord. Par exemple, le if ici, cette instruction-là, elle a trois nœuds de sortie, 30, 40 et 50. D'accord. Donc si on essaie de représenter le graphe de flow de contrôle de ce programme, il est en fait assez compliqué. Il est un peu dur à lire. Hein. Alors je vais, plutôt que de vous le montrer, je vais d'abord vous montrer comment on exécute ce programme. Ah oui, bien sûr, je vais vérifier ma connexion internet avant de commencer l'exposé. Excusez-moi. Hop. Une petite seconde. Non, ça ne marche pas. C'est une petite animation sur internet qui montre l'exécution du programme. Alors, en fait, observez l'ordre dans lequel les instructions sont exécutées. Donc là, on voit que. On saute un petit coup ici. Là, on avançait comme ça dans le programme. Et puis, en fait, il y a une autre version du code. C'est un peu plus compliqué en fonction des variables de la valeur des variables d'entrée. Ce qui se passe ici. Donc, on saute en 30, puis en 30, on va remonter en 20. Puis en 20, ensuite, on va sauter en 40. Et en 40. Enfin, on va remonter en 10. Alors là, vous voyez vraiment la. C'est clair, l'ordre dans lequel sont exécutées toutes ces instructions, eh bien, c'est absolument pas. Pour moi en tout cas, c'est pas naturel. Il faut considérer l'ensemble de toutes ces instructions pour comprendre vraiment ce que fait ce programme. Il n'y a pas du tout de localité dans les instructions, et puis il n'y a pas de structuration dans le graphe de flow de contrôle. D'accord. Donc, Bon, ici c'est un tout petit exemple de cette ligne, hein, pour, non, de plus, pardon, une quinzaine de lignes. Mais imaginez si vous avez maintenant 1 million de lignes de code sous cette forme-là, bah, vous êtes obligé de le considérer d'un seul bloc dans votre esprit pour être capable de comprendre ce que fait le programme. Mmh. Donc c'est un petit peu l'idée du code de la critique de Dijkstra. On verra tout à l'heure. Mais avant d'aller plus loin, je vais juste vous montrer une autre forme de code qui n'est pas spaghetti cette fois, mais qui est aussi, disons, libre, qui arrive dans un langage où on autorise des constructions de contrôle un petit peu exotiques. Donc, on va ici, c'est C, tout simplement. Donc, prenons ce programme-là. Donc, vous avez un pointeur tout. Vous voulez écrire des données qui viennent d'un autre pointeur from. D'accord ? Pour faire ça, et vous avez count données à côté. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est une boucle, d'accord, décrément count, tant qu'il est positif. Et puis, à chaque instant, vous copiez la valeur, puis vous passez au pointeur suivant, à l'adresse suivante. C'est ce que fait ce programme. Donc là, tout va bien, c'est un programme, c'est tout à fait normal, sauf l'écran Carnegie-Alberici, mais peu importe. Ce qui est intéressant, c'est si on essaie de l'optimiser, il y a des gens libres qui se sont dit, donc en particulier Tom Duff, que dérouler les boucles, c'était une bonne chose. D'accord, à l'époque, c'est quelque chose qu'on faisait souvent, dérouler à la main les boucles, parce que les compilateurs ne faisaient pas ça pour nous. Donc, par exemple, vous pouvez vous dire que pour limiter le nombre de tests, eh bien, on peut dérouler par exemple 8 fois la boucle, d'accord, donc on va avoir count sur 8 itérations, et puis on obtient donc un programme de cette forme-là, donc jusque-là tout va bien, mais si jamais count n'était pas un multiple de 8, hein, en fait ce programme ne fonctionne pas, d'accord. Ah oui, parce qu'il y a un reste de division à prendre en compte. Donc l'idée, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée, je ne sais pas, du Dove device, c'est de faire la chose suivante. Alors regardez bien, il se passe quelque chose d'assez incroyable. Je commence par faire un switch sur le modulo le reste de la division count par 8. Et count par exemple congru à 3 modulo 8, bien, vous allez sauter ici. Donc à la première instruction, premier tour de boucle, vous allez faire seulement 3 affectations. Les 3 qui vous manquaient. Et puis ensuite, tout va bien se passer, puis elle continue à exécuter la boucle. D'accord ? Donc c'est une façon de sauter au milieu d'une boucle à la première itération. Donc, soit on apprécie la créativité du programmeur, soit on estime que ce genre de truc est un petit peu overkill. Donc, vous comprenez ce qui se passe ici ? Vous voyez, il y a un switch qui est entrelacé avec une boucle, en fait. D'accord ? C'est assez étrange, on peut écrire ça en C. Alors en fait, c'est vraiment des coins un peu tordus de C. D'ailleurs, les compilateurs certifiés en C, ils ne traitent pas du tout ce genre de construction, parce que ça fait vraiment trop mal à la tête, si vous faites de l'analyse. Mais voilà, c'est possible. Donc, la créativité de... La liberté d'expression pour les programmeurs, c'est très bien, ça mène à... Enfin, c'est très bien, c'est quelque chose qui mène soit du code illisible, incompréhensible, comme du code spaghetti, mais aussi à des très belles choses, à des hacks élégants, peut-être, comme celui-ci. C'est une question de subjectivité, mais néanmoins, on peut dire que ce code, il est à la fois... personnellement, je le trouve à la fois concis, lisible, d'accord, du moment où on a compris ce qui se tramait ici, d'accord, puis... à l'époque, en tout cas, où les compilateurs n'optimisaient pas beaucoup le code, il y avait un vrai gain de performance à implémenter les choses de cette façon. Donc la créativité des programmeurs, peut-être qu'il ne faut pas la limiter, mais ce n'est pas du tout le point de vue de Dijkstra. Dijkstra, il est plutôt, plutôt du genre puriste, il a bien limité les libertés, d'accord, les programmeurs, la créativité. Donc l'idée, donc ça c'est une petite blague d'Aestrak qui indique qu'il devrait être là derrière votre dos, toujours à regarder la façon dont vous écrivez les programmes et vous taper sur les doigts quand les programmes ne sont pas à la fois simples, élégants et surtout faciles à prouver. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a même qui ont été créés sur ce thème. Dans le papier de Dijkstra commence un petit peu de façon un peu péremptoire ou disons un peu fort déclarant que plus un programmeur utilise de GoTo et moins bon il est. D'accord, ce qui est un petit peu dur pour les programmeurs de l'époque. Mais son vrai, donc il s'est senti obligé, d'accord, de prendre des mesures et d'expliquer au monde que c'était pas une bonne façon de voir les choses. Mais le vrai argument de Dijkstra, outre, si on enlève un peu tout le côté polémique de sa lettre, c'est que pour être capable de raisonner sur un programme, hein, d'accord, on est obligé, il est plus aisé, disons, pour nous, de ne pas réfléchir sur le processus dans le temps, d'accord, parce que le temps peut être long, le temps peut être compliqué, le temps du processus dynamique qui correspond au calcul du programme, mais plutôt de raisonner sur la forme du programme, sur la façon dont elle est écrite, dont le programme est écrit. Et donc, il s'agit plus pour le programmeur d'essayer de faire prendre conscience aux programmeurs de la limitation de leur capacité cognitive. Quand vous êtes obligé de traiter 1 million de lignes de code, même si vous êtes le meilleur programmeur du monde, vous n'y arriverez pas. À l'époque, il a essayé de leur faire comprendre à travers cette lettre, en des termes assez simples, qu'il est beaucoup plus simple de raisonner sur un programme qu'on peut appréhender dans sa structure. Et pour ça, la propriété importante, c'est de pouvoir faire des raisonnements locaux en étant capable de déterminer qu'on a une instruction, quels sont tous les prédécesseurs de cette instruction dans la totalité du programme. Et ce qui fait remarquer, alors pourquoi c'est important d'abord ? Parce que quand vous êtes responsable de la correction d'une instruction, d'accord, là vous devez être sûr que pour tout chemin d'exécution qui passe par ces instructions, vous respectez les invariants des structures de données, les invariants des spécifications du programme, pré, post-condition, etc. Et que le problème du GoTo, c'est que si vous avez un GoTo complètement non contrôlé et 1 million de lignes de code, bah, potentiellement, toutes les instructions, tout ce million de lignes de code d'instructions peut sauter sur l'instruction que vous êtes en train d'essayer de valider, vérifier, concevoir. Du coup, c'est plutôt difficile de raisonner dans ce cadre-là, alors que si on enlève le GoTo d'un seul coup, on a un système de coordonnées pour caractériser le chemin d'exécution qui mène à un certain point du programme. Donc il explique ça. Si vous êtes dans une séquence, eh bien, l'instruction précédente, c'est celle qui est juste au-dessus, une séquence d'instruction, il suffit de regarder au-dessus pour savoir qui vient... qui peut vous emmener sur l'instruction courante. Si vous êtes dans une conditionnelle, bah, il suffit d'observer la condition qui a permis de suivre cette branche. Si vous êtes en début d'une procédure, il suffit de préciser les imbrications d'appels de procédure qui ont pu mener à l'appel de cette procédure-là. D'accord, je vais revenir sur ce point-là. Et puis, si vous êtes dans une boucle, il suffit, j'aurais pu mettre des guillemets, ça suffit, mais néanmoins on sait qu'il vous suffira de caractériser dans quelle itération de la boucle votre instruction peut être exécutée. Donc ce qu'avait Dijkstra à l'époque en tête, quand il a écrit ce papier un peu vulgaire, c'était de faire sentir qu'il existait des règles de raisonnement formelles pour prouver les programmes écrits dans ce fragment-là, et que c'était ce cas de raisonnement formel qui permettrait à chaque programmeur dans sa tête de s'assurer que son programme est bien correct. Et puis, il y a un aspect, oui. J'avais en tête les go-to numéros de ligne seulement. Oui. Parce que, en fait, avec les go-to labels, c'est exactement pareil que les procédures. Avec go-to labels, ça dépend. Enfin, si on prend un langage assembleur, il y a des labels symboliques. Hein. Pourtant, le code peut être très très gros. Oui. Et la structure de contrôle peut être aussi assez. Oui, mais c'est comme qu'on appelle les procédures, c'est-à-dire qu'en fait, on fait une recherche dans le texte et on voit d'où ça peut venir. Oui, mais si on a 1 million de lignes de code. Quand les procédures, c'est pareil. Non, parce que les procédures, ça hiérarchise un certain niveau d'abstraction. Normalement, moi, je soutiens cette remarque. Oui, en tant que pédagogue, je me souviens très bien que des étudiants à qui on disait n'utilisez pas le go-to, et s'ils avaient mentalement l'idée que c'est comme ça qu'on programmait, et bien, ils écrivaient autant de procédures qu'ils écrivaient auparavant d'instructions d'étiquettes de go-to. D'étiquettes de go-to. C'est-à-dire que pour eux, d'ailleurs souvent c'est des procédures sans argument. Ouais. Donc finalement, non, parce que c'est le premier invariant. Avec le go-to, tu n'as plus le premier invariant. Oui, mais quand tu es dans une séquence, tu sais que nécessairement c'est la. Peu importe, c'est pratiquement chacune des instructions, c'est un call de procédure, ça retient le go-to. Oui, bien non, sûr. Non, mais c'est la folie, hein. Mais je veux dire, oui, on peut toujours pousser à l'extrême l'idée, mais. Je pense que c'est l'approche sous interdiction du go-to qui n'est pas tout à fait pertinente. C'est-à-dire que la programmation structurée, c'est des moyens supplémentaires, des reformulations des moyens supplémentaires. On essaye de s'inscrire dans ce cadre, mais on peut tout à fait faire n'importe quoi en prenant le théorème de Böhm-Jacobini, un seul moyen. Suffit à faire n'importe quel programme, il n'y a pas de go-to, je fais juste un gros vecteur d'état, un booléen, qui dit où j'en suis dans le flow de contrôle, et je regarde le booléen avec, d'accord, while général, et puis plein de switch case sur un booléen d'état, j'ai pas fait de go-to. Je vais parler de ça tout à l'heure, mais donc, c'était pour mettre tout le monde d'accord sur le fait. Non, mais ouais, c'est toujours la même chose, c'est, évidemment. Enfin, où on peut pousser encore plus à l'extrême, c'est-à-dire en disant tout est Turing complet, finalement, dès qu'un langage de programmation est Turing complet, on peut faire n'importe quoi à l'intérieur. Enfin, c'est pas. Comment dire C'est la même chose que la remarque sur les procédures, c'est ça que je veux dire. D'accord. C'est-à-dire que ce que je viens de donner comme argument est de même nature que la remarque qui dit mais si on peut toujours maquiller un programme avec des appels de procédures complexes à suivre en faisant des recherches sur. La question de label ou de nouveau. C'était juste pour dire ça. D'accord. Parce que ce qui vient avec la programmation structurée, c'est aussi une méthodologie de programmation par raffinement descendant. Bon, en fait, l'idée, plutôt de Wirth à l'époque avec son bouquin programme égale structure de données. Qu'est-ce que. C'est programme de l'algorithme. Programme de l'algorithme. Oui, merci. C'est de dire que en fait, on peut très bien concevoir un programme de façon descendante à un certain niveau d'abstraction où on utilise des procédures comme des instructions élémentaires sans les implémenter. Donc on obtient comme ça un squelette de programme relativement petit et qu'on peut appréhender dans sa totalité. D'accord. Et puis ensuite, petit à petit, on prend chacune de ces instructions atomiques et puis on les implémente comme des procédures. Et de cette façon, on a une structuration du programme sous la forme d'un arbre qui est beaucoup plus facile à appréhender à un certain niveau d'abstraction donné. D'accord. Si on a 1 million de lignes de code assembleur linéaire sans aucune procédure, ben, on ne peut pas du tout appréhender la structure du programme. C'est l'idée. Je ne sais pas si je réponds à la question initiale ou à la remarque initiale. Ah, là, je suis tout à fait d'accord avec ça. D'accord. Bien sûr. Qu'est-ce que je racontais ? Hop. Donc, il y a aussi une autre remarque dans le papier, dans la lettre de Dijkstra, c'est de faire remarquer que le souci n'est pas forcément l'expressivité du go-to, mais le fait que dès qu'on le rajoute dans le langage, tout est possible. Encore, aussi bien du bon programme structuré, on peut programmer de façon structurée avec le go-to, on va en parler tout à l'heure. Mais surtout, il n'y a plus aucun contrôle. Si dans l'équipe de développement, on est 1000 personnes et puis il y a un type qui a une façon de programmer un peu bizarre, on ne respecte pas les principes du génie logiciel, eh bien, il va pouvoir faire absolument n'importe quoi. Donc l'idée de la programmation structurée, c'est de restreindre les constructions du langage à un sous-ensemble suffisamment expressif. Alors, s'il y a une définition qui est un peu floue, on va l'accepter pour le moment, et pour lesquelles, implicitement dans l'idée d'Aestra, on pourrait faire de la preuve de programme. Et donc, la programmation structurée, c'est des structures de contrôle de haut niveau comme le while, le if then else, des procédures et des fonctions, plus de go-to, et puis on essaie de minimiser l'usage des variables globales. Ça, c'est la programmation structurée qu'on va retrouver par exemple dans des langages comme Pascal. J'ai perdu un peu le fil. Derrière le papier d'Aestra, il y a cette idée-là que les programmes vont ressembler un peu à... On va pouvoir les représenter comme des arbres, d'accord ? Et qui dit arbre dit hiérarchisation des différents niveaux de détail d'implémentation dans les programmes. Donc on peut raisonner un certain niveau d'abstraction, et puis surtout, il est facile, quand on est dans une fonction, de savoir tous les prédécesseurs, tous les potentiels appels de cette fonction qui seront peuvent apparaître dans le graphe qui est ici. Donc cette méthodologie, cette façon de programmer, elle a fait ses preuves. Par exemple, le noyau Linux utilise abusivement cette façon de programmer, très propre, très structurée. Et qui permet donc de raisonner localement sur chacune des fonctions. Et l'interface d'une fonction, ça va être la précondition. Donc au site d'appel, la précondition doit être vérifiée. Puis ce qu'on sait, c'est qu'une fois que la procédure est exécutée, eh bien, on a une certaine post-condition qui est valable sur l'état du programme. Donc on peut complètement oublier la façon dont est implémentée la procédure, l'avoir comme une instruction supplémentaire dans le langage de programmation. Et ça permet ainsi de modulariser le raisonnement. Ce qui est un peu sous-jacent à cette structuration du calcul par des arbres d'appel, hein, c'est l'existence d'une pile. D'accord ? Donc, quand on appelle une fonction, en fait, on empile, on a une pile des appels de fonctions qui se souvient de l'endroit où on doit revenir quand on aura fini l'exécution de la fonction. Donc par exemple ici, quand j'exécute F2.0, je pousse sur la pile la ligne 12 pour dire qu'ensuite, il faudra que je revienne ici. Et puis, pendant F0, j'exécute sub2.0, eh bien, je pousse sur la pile le fait qu'il faudrait que je continue sur la ligne 7. D'accord ? Donc cet usage des piles, hein, très codifié, très internalisé dans le langage de programmation, c'est ce qui ensuite garantit que l'exécution des programmes va toujours suivre la forme d'une... On pourra toujours la visualiser comme l'exécution d'un arbre d'appel. Et donc, une même fonction peut avoir plusieurs points de retour différents, et c'est dynamiquement représenté par des valeurs différentes de l'adresse poussée sur la pile juste avant l'appel de cette fonction. Alors, donc cette façon de programmer, elle a fait ses preuves, elle est venue avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, alors j'en ai pas parlé, mais une méthodologie de programmation par raffinement successif. Des outils d'analyse statique, des outils d'analyse déductif ont pu être construits au-dessus de tout ça, donc au-dessus des méthodes de raisonnement liées à la logique dehors. Donc tout ça a fait ses preuves, et puis s'est instauré petit à petit comme la bonne façon de programmer, celle qui passait à l'échelle, hein, parce que on peut composer facilement les appels de procédure et la preuve de la correction de chacune des procédures. Du coup, quand on est programmeur, on peut qu'on a reçu une formation de programmeur après l'article de Delsma, eh bien, on hésite énormément à utiliser GoTo, d'accord, parce que même si parfois utiliser un GoTo permettrait de rajouter une fonctionnalité dans un calcul à moindre coût, bah, on sent l'aura de Dijkstra derrière son épaule, hein, et donc on hésite à le faire. Il y a tout un tas de blagues qui en découlent. Hein, c'est tiré de XKCD, une petite BD blog qu'on trouve encore aujourd'hui. Alors, donc suite à cette suppression du GoTo, ben, il y a eu une sorte quand même de révolte, de mouvement un peu anti-suppression du GoTo. Et parmi les leaders de cette révolte, c'est ce type-là, Donald Knuth, qui n'est pas quelqu'un de particulièrement idiot. Donc il a écrit un article, donc Structured Programming Statement, dans lequel il reconnaît, bien sûr, qu'avec GoTo, on peut créer du code spaghetti, du code qui n'est pas lisible, qu'on ne pourra jamais prouver. Mais il essaie aussi d'avancer des idiomes de programmation qui sont utiles, qui facilitent la preuve et le raisonnement sur le programme et qui nécessitent un GoTo dans le langage de programmation. Donc il prend tout un tas d'exemples, je pense qu'il y a au moins une vingtaine d'exemples dans l'article, je vais sélectionner quelques-uns. Donc voilà, voici un. Donc vous prenez vous avez une table A et puis une table B, donc A disons d'entier, puis une table B qui s'est raconté combien de fois un élément X de A a été recherché. Et puis quand on cherche un élément dans A mais qu'il ne s'y trouve pas, on le rajoute à la fin. D'accord, c'est une procédure classique. Donc en présence de GoTo, le code est je trouve assez clair. On itère sur les éléments de A. Donc M ici, ça représente la borne, enfin la valeur, l'indice maximal utilisé dans le tableau grand A. Et puis si jamais on trouve X à un moment donné, bien on saute à l'étiquette found, d'accord, qui a un nom bien clair, indiquant qu'on est dans le cas où on a trouvé l'élément, puis à ce moment-là, on compte juste dans B le fait qu'on vient de chercher l'élément I une fois de plus. D'accord ? Si par contre, à la fin de la boucle, donc, on n'a jamais sauté à fin, eh bien, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé l'élément. Donc à ce moment-là, on rajoute à la fin du tableau cette séquence d'instructions. On initialise la case I de B à 0, puis comme on vient de chercher l'élément, eh bien, on incrémente aussi. Maintenant, après avoir exécuté ces instructions-là, l'élément est trouvé d'une certaine façon, puisqu'il vient d'être ajouté. Et donc, on peut sauter à cette instruction. Donc, ce code, il est particulièrement lisible. Si on le réécrit sans GoTo, il devient plus compliqué de comprendre ce qui s'y passe, en particulier de raisonner sur les conditions qui mènent à un certain point de programme. Donc sans GoTo, ça ressemble à ça. Donc vous faites une boucle while où i va servir aussi d'itérateur sur le tableau. Et puis vous itérez tant que vous ne trouvez pas x. D'accord ? Donc il y a deux, comme on a une conjonction, il y a deux cas de sortie de cette boucle. Hein. Soit parce que vous avez dépassé m, soit parce que vous avez trouvé x. Et du coup, avec ce raisonnement qui dépend de la condition du while, eh bien, vous pouvez former une condition i supérieure à m qui correspond au cas où vous n'avez pas trouvé l'élément. D'accord ? Donc là, il faut faire un raisonnement qui n'est pas trivial. À la lecture de ce code, pour le comprendre, je suis obligé de déjà faire du raisonnement un peu propositionnel, faire la négation d'une conjonction, c'est quelque chose de compliqué. Et puis de comprendre que ça, c'est la négation de la partie gauche de la disjonction issue de la négation de cette conjonction. Enfin bref, c'est pas un raisonnement trivial. Alors, c'est pas très compliqué. Hein. Je crois que des petits exemples, on va jamais faire des choses trop compliquées avec. Mais on voit que le raisonnement donc, est non élémentaire et certainement donc, moins parlant, ce programme est certainement moins parlant par conséquent que celui-ci. D'accord, c'est un argument tout petit, je trouve assez, assez parlant. Et en plus, celui-ci est plus efficace. Alors là, on parle de. Donc on a une époque où on comptait les cycles d'exécution, cycles processeurs d'exécution des programmes. En fait, vous avez un test de moins. On fait moins de tests dans celui-ci que dans celui-ci. Parce que. Tu fais un test de plus. On fait un test de plus ici. En fait, qui. En fait, ça ne sert à rien. On reteste deux fois. Ça reste du. Pour nous, ça nous fait un peu sourire, mais à l'époque, si vous êtes dans une routine critique, vous aviez envie de vraiment compter le nombre d'instructions. Alors, il y a d'autres usages du GoTo qui sont donc relevés par Knut et puis qui sont encore très très courants aujourd'hui, en particulier quand vous faites de la programmation système en C. Vous avez envie d'écrire du code indépendant de la gestion des erreurs. D'accord. Et quand vous faites de la programmation système, il y a vraiment beaucoup de cas d'erreurs possibles. Vous faites un enchaînement de data systèmes. Donc une façon de procéder, c'est de séparer le code en deux parties. Une partie d'exécution normale, puis une partie d'exécution exceptionnelle. C'est une façon de simuler des exceptions en C, à moins un peu des exceptions du pauvre. D'accord. Quand vous avez une erreur de type unique, c'est là. Vous sautez à la fin du programme, vous faites un saut en avant dans le code. Et c'est ici seulement, et seulement ici que vous allez faire le traitement des erreurs, éventuellement produire des messages d'erreur ou faire de la reprise sur erreur. Donc ça, c'est un idiome très utilisé en programmation système. Et puis, encore un autre argument de Knut, c'est que le while, le do while, ou tout un tas de structures de contrôle de haut niveau auxquelles un concepteur de programme aura pensé ne sera jamais. Ne capturera qu'un sous-ensemble des structures de contrôle dont on a envie de profiter en programmation. Et il prend l'exemple de la recherche et de l'insertion d'un élément dans un arbre binaire, d'accord, un arbre binaire de recherche. Avec un GoTo, on a quelque chose comme ceci, donc c'est encore une fois, je trouve, assez lisible. On a il faut imaginer que les arbres à l'époque n'avaient pas de type algébrique ou de choses d'objets ou de choses données structurées, on avait des tableaux. Donc pour représenter les arbres, on utilisait par exemple ici un tableau qui représente les étiquettes du nœud numéro I de l'arbre. Là on a le fils gauche du nœud numéro I de l'arbre. On a un anti qui représente le nœud qui représente le fils gauche. Enfin, c'est une façon d'implémenter des pointeurs dans des tableaux. Et puis, ainsi de suite. Donc, vous voyez ici, si je compare, si je cherche l'élément X, je le compare à I. Et puis, si jamais à gauche, j'ai un arbre, eh bien, je dis que maintenant I, c'est l'arbre de gauche. Et puis, je continue. D'accord. Donc, si, au contraire, L de I est égal à 0, alors 0 ici, ça code l'arbre vide, enfin l'absence d'arbre. D'accord, donc, c'est-à-dire que vous voulez créer une feuille à gauche de I, et donc vous mettez J. Qu'est-ce que c'est que J? Alors J, c'est l'indice, c'est un indice libre, ce prochain indice à utiliser ici. Et puis, vous faites go to insert. Et insert, ça indique que J, son étiquette, c'est X. D'accord. Vous terminez ensuite en rajoutant l'arbre à gauche et à droite de J. Et puis en augmentant J pour la prochaine fois que vous allez rajouter un élément. Puis c'est symétrique pour la partie droite. D'accord. Donc ce code, c'est moins clair que du pattern matching en OCaml, mais ça reste quand même assez clair. Si vous le transformez en. Donc, si vous n'avez plus de GoTo, vous êtes obligé de coder la sortie de. Donc, ici, vous avez une sorte de sortie prématurée. Vous sautez directement à compare sans continuer les tests qui restent dans le programme. Ici, si vous voulez coder. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, c'est pas du tout ça. C'est pas ce GoTo-là que vous voulez coder, c'est celui-ci. Donc là, ici, on a une sorte de sortie de boucle, c'est une sorte de break qui saute en ce point-là, d'accord, à l'insertion. On a trouvé, bon, on veut insérer. Eh bien, si vous voulez faire ça sans GoTo, eh bien, il faut utiliser une variable booléenne qui va coder la sortie de boucle. D'accord, donc ça, c'est un truc classique. On a des breaks. Donc break, dans un langage comme ça, ça permet d'arrêter une boucle en plein milieu. D'accord, eh bien, on peut coder, toujours supprimer les breaks en rajoutant des variables booléennes dans la condition de la boucle, et puis les mettre à true quand on veut, ou à false ici, quand on veut s'arrêter de faire l'itération. D'accord ? Donc, encore une fois, c'est assez peu naturel que de faire cette boucle, de la rajouter l'extérieur de l'algorithme, et puis surtout, ici encore une fois, on a un cas simple, on a finalement que deux... Que de breaks qui peuvent arriver en même temps et puis on n'a pas d'imbrication de boucle. Quand on commence à avoir des boucles imbriquées, le nombre de variables booléennes peut augmenter très rapidement. Et donc ces codages deviennent absolument difficiles à comprendre. Alors Knut fait remarquer que finalement, même ce go-to-là, cet idiome qu'on a ici, c'est une certaine forme d'opérateur de contrôle qui, si on pouvait définir des opérateurs de contrôle à sa guise, ressemblerait à quelque chose comme ça. On devrait dire boucle tant que soit tu as atteint une feuille à gauche, soit une feuille à droite. C'est comme une sorte d'événement, une notion d'événement. Et ici, vous voyez des instructions qui déclenchent ces événements. D'accord ? C'est une forme de structure de contrôle où on ne veut pas représenter la sortie de boucle comme une certaine condition booléenne, mais plutôt comme le fait qu'un certain événement est arrivé. Donc ça donne du code qui est peut-être un peu moins concis que le tout premier avec ses go-to, mais qui, à mon avis, est quand même assez lisible. Parce que on comprend localement ici à quelles conditions on va sortir de la boucle. Alors que dans le code avec les go-to, il faut encore une fois observer tout le code de la boucle pour comprendre à quelles conditions on va sortir de la boucle. D'accord ? Donc voilà une structure de contrôle qu'il faudrait rajouter dans Pascal. Et puis en fait, on peut l'argument de Knut, c'est de dire qu'à chaque application, on pourrait imaginer de nouvelles structures de contrôle qu'on aimerait rajouter dans le langage de programmation, et que donc les limiter, c'est limiter de façon un peu, de façon abusive, l'expressivité des programmeurs. Alors Dijkstra lui-même est revenu un petit peu sur ce qu'il a dit en indiquant, en tout cas c'est ce que dit Knut dans son papier, peut-être que lui il a inventé cette communication personnelle avec Dijkstra, parce qu'ils étaient tous les dessous, on n'en sait rien. Mais en tout cas, Dijkstra lui-même a bien indiqué qu'il ne voulait surtout pas avoir l'air péremptoire dans sa suppression du go-to, donc lui-même a mis un peu de... dans son eau. Mais donc on va revenir un peu en arrière dans le temps, avant cette discussion donc, qui était... qui a remué la communauté des programmeurs de l'époque. C'est quelque chose qui vraiment était discuté par beaucoup de gens et dont les gens parlaient. Donc un peu dans son coin, Peter Landin, d'accord, était en train de essayer de comprendre rigoureusement, mathématiquement, avec une méthode, la correspondance entre la sémantique d'Alcool 60, donc un langage de programmation qui devait être en avance sur tous ses successeurs, et puis un calcul à la base assez mathématique qui était le lambda calcul. Donc on a tendance à dire que McCarthy, donc l'inventeur de Lisp, est le père de la programmation fonctionnelle. Moi j'aurais plutôt tendance à dire que c'est ce type-là, donc un peu moins... peut-être un peu plus, un peu moins sortable, mais donc l'idée de Landin, c'est donc de regarder ce... Alors je ne vais pas faire du lambda calcul aujourd'hui, hein, mais l'idée du lambda calcul, c'est qu'en fait, les algorithmes, les calculs, on peut les représenter à l'aide de ces trois instructions, trois constructions. Donc en fait, ce langage-là, il est à la fois complet et puis expressif, parce qu'il met en avant une construction intéressante qui est une fonction qui associe à x un certain calcul. D'accord ? Donc on a cette lambda abstraction qui est la création d'une fonction qui a x, associé à un certain calcul. Et puis on a une notion d'application qui représente l'évaluation d'une fonction à un certain point. Et puis l'accès à une valeur à travers une variable. Et il s'avère que à travers ce tout petit langage minimaliste, on peut présenter beaucoup de constructions de calcul. Dans un langage de programmation, quand vous avez une série de définitions récursives, eh bien en fait, vous pouvez tout réencoder à l'aide de lambda, de termes du lambda calcul. Bon, je ne vais pas du tout détailler, mais l'idée, c'est que le lambda calcul, c'est une sorte d'assembleur de la syntaxe des calculs. Mais en fait, un assembleur qui serait, on va le voir, plus adapté que l'assembleur qu'on connaît pour représenter le contrôle. Alors pourquoi ? Bah, tout simplement parce que lambda calcul, et donc les langages qu'on appelle fonctionnels qui sont hérités du lambda calcul, bah, c'est des langages dans lesquels vous pouvez prendre n'importe quel calcul habituel et puis le couper comme vous le souhaitez. Donc vous pouvez le découper comme vous le souhaitez. Par exemple, quand vous avez une boucle for, bah vous pouvez la couper en deux, mettre d'un côté la partie qui itère, et puis la partie itérée. D'accord. Donc ça veut dire que le contrôle, d'une certaine façon, peut prendre n'importe quel graphe de flow de contrôle, et puis le couper en certains endroits, puis nommer ces petits morceaux de graphe de flow de contrôle, et puis ensuite les recomposer comme on souhaite. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Bah par exemple, en OCaml, vous pouvez créer une fonction qui fait une boucle for et puis applique à chaque itération une certaine fonction f qui a comme entrée i. D'accord. Donc cette fonction dit qu'elle est d'ordre supérieur, elle prend l'entier n jusque qui correspond à l'endroit où vous voulez itérer, puis la fonction f qui est ce que vous voulez itérer à chaque étape. Et donc vous pouvez ensuite représenter sous la forme d'une fonction l'itérer. Par exemple ici, à chaque étape, je veux faire pour chaque i l'affectation de t de i de point égal, enfin t de i vaut t de i moins la racine carrée de t de i. D'accord ? Donc on est capable comme ça de séparer arbitrairement des programmes. Et le mot-clé là-dedans, c'est le fait que les fonctions sont des objets de première classe. C'est-à-dire que ce sont des valeurs du calcul, on peut les prendre en argument, on peut les calculer. Et de cette façon, on peut écrire une fonction comme celle-ci, qui attend une fonction en argument, et puis qui compose cette fonction avec le reste du calcul. C'était pas à m'interrompre. Hein. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Bah, ça veut dire qu'on peut définir ses propres opérateurs de contrôle dans un langage fonctionnel. Pourquoi ? Bah, parce que on peut prendre du code et puis écrire un autre code qui va décider dans quel ordre exécuter ce code pris en paramètre. Par exemple ici, vous voyez, until prend une série d'événements et puis le corps de la boucle. D'accord ? Donc, le corps de la boucle, il va y avoir un protocole qui est qu'à chaque fois qu'on exécute une fois le corps de la boucle, là, il vous répond s'il a envie de continuer ou s'il a envie de s'arrêter sur un certain événement. Donc, ça, c'est un protocole que until établit avec un autre morceau de code qu'il ne connaît pas et lui dit juste, bah voilà, toi, chaque fois que je t'exécuterai avec une nouvelle... Donc l'accumulateur ici, c'est ce qui est accumulé à travers l'itération. Eh bien, tu me répondras soit que tu as envie de continuer, et à ce moment-là, il n'y a pas de problème, je te rappellerai, je te le promets, je ferai la récursion. Par contre, si tu as envie de sortir, eh ben, n'hésite pas à me le dire parce que j'appellerai l'événement que tu as envie d'exécuter. D'accord ? Et là, en fait, event, l'idée, c'est que ça va être pris parmi les événements qui sont déclarés dans l'outil. Bon, je ne le vérifie pas ici, on pourrait le vérifier, mais... Du coup, le code de Knut, il peut se réécrire en OCaml comme ceci. Tant que found ou pas found, qu'est-ce que je fais? Eh bien, si i vaut 0, alors j'arrête en disant que j'ai pas trouvé. Sinon, j'arrête en disant que j'ai trouvé, si jamais effectivement j'ai trouvé y à la position a de i. Puis sinon, bah, je vais continuer à itérer. Alors là, j'itère à l'envers, mais pour itérer à l'envers, peu importe. Et puis, vous voyez, les deux événements, en fait, ils sont représentés en OCaml par deux fonctions, notFound et found, qui font exactement, enfin, non, pas exactement ce que faisait Knut, parce que j'ai cette dans le transparent, j'ai quand même coupé un petit peu, mais en gros, il rajoute à la fin. Là, je n'ai pas la table B de tout à l'heure, j'aurais pu rajouter, je suis la flemme. Mais l'idée, c'est qu'on rajoute à la fin de A l'élément Y qu'on n'a pas trouvé. D'accord ? Et puis, voilà. Donc ce code-là, vous voyez, mime le code de Knut avec les GoTo, d'accord ? Ou plutôt avec le Until. Et l'idée, c'est qu'on n'a pas eu besoin de changer de langage de programmation. Le programmeur a pu définir son propre opérateur de contrôle. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on a déjà fait ce qu'on appelle une forme de programmation par continuation. Found et notFound, ici, ce sont des représentants, ce sont des fonctions qui représentent ce qu'on veut faire après la sortie de boucle. D'accord ? Donc c'est une forme de continuation du calcul, ça représente ce qu'on veut faire pour continuer. Donc, dès qu'on a des fonctions, en fait, on va voir qu'on peut représenter qu'on appelle la continuation du calcul, et que cette notion de continuation du calcul, c'est une bien meilleure représentation d'un point de contrôle du programme que ne le sont les étiquettes des langages assembleurs. Alors, en fait, Peter Landin, le savait bien, et dans son langage de programmation qui s'appelait Icewind, il avait déjà un opérateur J qui sert justement en un certain point de programme à construire automatiquement c'est le langage qui donne cette opération là une continuation L qui représente la suite du calcul. D'accord. Donc, ce que fait J, c'est qu'il prend une fonction et puis il lui donne sous la forme d'une fonction la suite du calcul. Okay. Donc ça, c'est vraiment la préhistoire de CallCC dont on va parler dans une seconde. L'idée, c'est que L, ça va être la continuation du calcul représenté sous la forme d'une fonction. S, évidemment, on va pouvoir utiliser L pour faire ce qu'il veut. Et on va voir qu'en fait, c'est à la puissance du GoTo. Et puis, J, c'est cet opérateur un peu magique hein, qui capture la continuation sous la forme d'une fonction. Alors, en OCaml, on l'écrirait, enfin, par exemple, comme ça. On aura un opérateur callCC qui correspondrait à J. Et puis, callCC, il attend une fonction qui va elle-même attendre une continuation la continuation du calcul. D'accord. Et on a un autre opérateur qui s'appelle throw. Et throw, il prend une continuation et puis il l'exécute. Alors, quels sont ces quotes A qui sont ici, en fait? Donc là, je suis en train de vous montrer du OCaml, donc il y a un certain nombre de types. Le type compte, c'est le type des continuations qui attendent une certaine valeur de type A. Le type quote A, je vous montre quote A en ici. Donc quand vous voulez exécuter une continuation, vous lui passez la valeur qu'elle attend. Et puis elle va prendre la main, elle va s'exécuter. Et puis en fait, vous ne savez pas trop ce qui va se passer. En fait, elle peut faire n'importe quoi. Et donc on ne sait pas très bien déterminer le type final, donc on dit que c'est un certain type, ça peut être n'importe quel type. D'accord. Donc on va voir des usages de CallCC et de throw dans une seconde, mais vous comprenez à peu près l'idée? Peut-être pas encore, sur un exemple. Est-ce que c'est la première des deux formules qui est analogue à la loi de Peirce ou... Aucune des deux, parce que c'est pas très typé ici. C'est pas assez typé. Effectivement, quand dans des langages on type un peu plus... Ça correspond effectivement à la loi de Peirce. Alors, un exemple. Avec CallCC, on peut faire du voyage dans le temps. Donc voilà une fonction qui s'appelle now. Et en fait, ça va être une façon. On lance une procédure, et cette procédure, elle va capturer le point de contrôle où on en est au moment où on l'exécute. D'accord ? Ou plus exactement, la suite du calcul au moment où on l'exécute. Donc, vous voyez, now, comment c'est implémenté ? On a ici S, qui est une référence qui initialement est vide. D'accord ? Une référence, une variable modifiable en mémoire. Et qu'est-ce qu'on fait quand on exécute now ? Et on appelle callCC. CallCC vous donne K, qui est la continuation du calcul. Pour l'instant, je ne vous explique pas comment on fait ça, mais l'idée, c'est qu'ici, vous avez une sorte de fonction, une valeur, qui représente ce qu'on va faire ensuite. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous stockez la continuation dans S. D'accord ? On sauvegarde la continuation dans S, puis on renvoie S ensuite. Alors, qu'est-ce que je vais en faire de cette référence, de cette continuation, en fait, je vais m'en servir pour faire un voyage dans le temps. Donc, typiquement, vous voyez ici à la fin du programme, je vais commencer par prendre je vais capturer la continuation, donc je vais appeler T l'endroit où j'en suis ici. Donc, c'est un peu comme poser une étiquette en assembleur, c'est-à-dire ce point de programme-là, je l'appelle T. Ou plus précisément, la suite de la continuation, ce qui est à faire ici, je l'appelle T. Et puis, qu'est-ce que je vais faire ? Ensuite, j'affiche, je suis devant le gâteau. Je vais manger le gâteau. Alors, pour manger le gâteau, je modifie la référence cake et je dis qu'il n'y a plus de gâteau ensuite. Et puis ensuite, je vais faire un voyage dans le temps vers T. Donc, je vais faire un go-to vers T. Et comment je vais faire ça ? Tout simplement, je vais prendre ma référence qui a été construite par now, et puis je vais faire throw de cette continuation. Et qu'est-ce qui va se passer ? D'un seul coup, le programme va oublier ce qu'il lui restait à faire, et il va prendre comme continuation du calcul ce qui a été sauvegardé au moment de T. Donc là, on va faire une boucle en ce point-là. D'accord ? On va essayer de manger le gâteau, et malheureusement, le gâteau a déjà été mangé, donc le programme va planter sur cet asset. En disant, le gâteau a déjà été mangé. Donc on fait un voyage dans le temps un peu pas très amusant. Mais en tout cas, ce que j'essaie de vous montrer ici, c'est qu'en fait, dès qu'on a call CC, on a le même pouvoir d'expressivité en termes de structuration du contrôle qu'un go-to. Okay. Qu'un vrai go-to, pas le go-to du... Vous savez, le go-to du C d'aujourd'hui, c'est un go-to local, on ne peut pas sortir d'une procédure. On peut en C avec des choses comme long jump, etc. Mais le go-to de C, on sait qu'on va rester dans la même procédure. Ici, on a un go-to super puissant. On peut aller à n'importe quel point du programme. Okay. Ça va jusqu'à maintenant pour vous ? Quelle heure est-il ? 15h. Ah oui, je suis extrêmement lent en fait. Ok. Donc avec callCC, d'un seul coup, les étiquettes de programme qu'on avait en assembleur deviennent des valeurs de première classe. Et donc, du moment où ces étiquettes deviennent des valeurs, en fait, ça devient des objets que les programmeurs, auxquels les programmeurs sont obligés d'associer une sémantique. Par définition, les programmeurs, chaque fois qu'ils écrivent des calculs qui produisent des valeurs, si ce sont de vrais programmeurs, ils savent ce que représentent ces valeurs, sinon ils sont juste en train de faire n'importe quoi. Et donc l'idée, c'est que comme on a d'un seul coup une valeur, eh bien, on va pouvoir associer ce qu'on appelle un type à cette valeur et cacher à travers ce type un certain protocole d'usage de certains points de contrôle. D'accord ? Alors, pour expliquer ça, c'est un petit peu abstrait, on va essayer d'implémenter ce qu'on appelle des coroutines. Alors les coroutines, c'est une généralisation des routines, des procédures. Donc habituellement, les procédures, on rentre dans une procédure en ce point d'entrée, on l'exécute, on sort, et puis là, c'est fini. D'accord ? Une coroutine, c'est l'idée que vous rentrez dans la procédure, vous commencez à l'exécuter, puis elle peut s'interrompre, redonner la main, par exemple, à son appelant. D'accord ? Et puis quand le contexte d'évaluation lui redonnera la main, elle reprendra là où elle s'était arrêtée. D'accord ? Donc c'est une sorte de thread. D'accord ? Sauf que c'est un thread programmable. D'accord ? Donc Donc comment on peut les implémenter? D'abord, on pourrait les implémenter en C, sans continuation. Alors voilà un exemple assez motivant de programme qu'on a envie d'écrire avec des coroutines. Vous avez ici ce qu'on appelle un producteur, donc qui émet des caractères en lisant un flux qui est compressé avec ce qu'on appelle une compression RLE, mais peu importe. L'idée, c'est qu'il lit des caractères et puis il en émet. Okay. Puis d'un autre côté, vous avez un processus consommateur, donc il lit des caractères et puis il les parse, il fait une certaine analyse, puis il sort ce qu'on appelle des lexèmes, des tokens. Alors ces deux composants logiciels-là, on pourrait choisir que l'un appelle l'autre, que le producteur, à chaque fois qu'il produit quelque chose, il appelle le parseur, ou bien l'inverse. D'accord. Mais en fait, quand on les définit, on n'a pas envie de décider encore de qui appelle qui. D'accord ? Parce que ça dépend de l'application. Parfois, on est dirigé par l'entrée, on veut réagir dès qu'il y a une entrée, on veut tout de suite produire une sortie. Ou bien parfois, on est dirigé plutôt par la sortie et on veut aller chercher dans l'entrée, dans un fichier par exemple, en fonction de ce qu'on veut produire en sortie. Donc si on choisissait l'un ou l'autre des deux sens, il faudrait modifier ces codes-là et ils seraient plus génériques vis-à-vis de l'ordre dans lequel on veut faire les calculs. Donc l'idée des coroutines, c'est de dire que on va représenter ces deux procédures qui sont donc des boucles infinies hein, comme deux coroutines et puis de façon externe on va pouvoir les scheduler, les ordonnancer leurs calculs hein. Et tout ça non pas avec un processus système mais un procédé de programmation classique. Alors si on essaie de faire ça en C, on peut. L'idée, c'est qu'en C, vous avez cette notion de variable statique, d'accord, qui est un peu magique parce qu'elle vous permet de rajouter un état dans les fonctions. Donc la première fois qu'on appelle la variable statique, elle est initialisée, puis les prochaines fois, elle garde la valeur qu'elle avait lors des précédents appels. Hein, une sorte de variable globale de portée locale. Et donc on peut faire ça, et donc on peut changer le code pour souvenir à l'intérieur de grâce à ces deux pour se souvenir grâce à ces deux variables de l'endroit où on s'était arrêté dans le code. D'accord? Donc c'est ce qui est fait ici. Les détails. Vous voyez dans rep len et rep k en fait on se souvient. Qu'est-ce qu'on fait? On se souvient de du dernier. Il faudrait que j'explique l'algorithme, mais on pourrait interrompre la procédure au moment d'une décompression et elle pourrait être au milieu d'une décompression, donc il restera encore des octets à produire. D'accord? Et c'est pas du tout. Ce qu'on garde dans l'état avec replen ici, c'est le nombre de répétitions qui reste encore à produire en sortie. Donc. Bref, on peut changer le code pour qu'il ait une forme d'état. À chaque fois qu'on l'appelle, il reprend là où il s'était arrêté. Et puis le parseur, c'est la même façon que d'avoir un état qui représente où on en est dans le parsing. Est-ce qu'on est au début de l'analyse syntaxique ou bien au milieu d'un mot. Et puis on a une sorte de machine à état qui est codée avec des switches. Et on s'en sort aussi, mais le code devient absolument, plutôt illisible. Alors, en fait, ce qu'on aimerait... un tout petit peu, mais l'idée c'est que on peut systématiser la mise en la mise dans la forme qu'on vient de voir précédemment en introduisant une sorte de machine à état où les états sont tous les points où on veut interrompre le calcul. Donc par exemple, vous voyez ici, si on a une fonction, imaginons que cette on veut transformer cette fonction en une coroutine qui, à chaque fois qu'elle produit un i, elle s'interrompt. D'accord ? À ce moment-là, on a deux points d'entrée possibles dans le programme. Soit le label 0, quand c'est la première fois qu'on rentre dans la coroutine, ou soit le label 1, ici, qui représente les endroits suivants. D'accord ? Le prochain appel, en fait, on est à l'intérieur de la boucle, on veut reprendre ici. En fait, ce qu'on peut faire, c'est un switch state, qui fait un go-to initial au bon endroit dans le programme pour reprendre là où là on était. En fait, il s'avère que avec un jeu de macro démoniaque, on peut implémenter cette machine à état sans que le programmeur en ait conscience. Et encore une fois, en fait, ce qu'il fait, c'est cette idée d'imbrication du switch et du do. Donc, je vais pas. Donc l'idée, c'est que votre coroutine elle va être dans une boucle. Hein, et puis, quand on reprend l'exécution de la coroutine, ben, on saute à un certain point au milieu de la boucle. Donc on réutilise le switch, le Duff's device qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'est assez cryptique. On peut même faire des choses complètement folles, comme donner. Donc ici, le problème, c'est que la numérotation des états est défini par le programmeur à la main. Et en fait, on peut faire encore mieux en utilisant le numéro de la ligne comme numéro de l'état. D'accord ? Donc on peut faire des hacks sordides. Et puis à la fin, on obtient, avec ce jeu de macro, du code qui correspond vraiment à ce qu'on voulait, donc une notion de coroutine qui s'interrompt, qui fait return. Et puis quand elle arrive tout à la fin, elle se termine vraiment. Donc ça, on pourra apprécier ce hack-là, mais il va être assez difficile à expliquer à un programmeur novice. Et au lieu de ça, on peut utiliser une autre technique qui consiste à utiliser les continuations pour représenter les coroutines. Et en fait, quand on y pense, c'est assez simple. Une fois qu'on a une notion de continuation, d'implémenter des coroutines, parce que l'idée, c'est que on va avoir une coroutine qui va avoir un état qui correspond à la continuation de son appelant et sa propre continuation. D'accord ? Et donc on a comme ça deux continuations, ce qu'on appelle la suspension de la coroutine, l'endroit où elle a suspendu son exécution, et puis la continuation de l'appelant. L'appelant, quand il vous a donné la main, ben, lui-même s'est arrêté. D'accord ? Donc pour implémenter, donc je passe sur un certain nombre de détails, mais pour implémenter le fait de prendre une coroutine et puis de la reprendre son exécution, ben en fait on regarde si on a déjà une suspension, et si c'est le cas, on capture la suspension de l'appelant et puis on exécute la continuation de la coroutine. Et si jamais on n'avait pas de suspension, eh bien on exécute donc la fonction initiale qui définit la coroutine, qui est body ici, que je n'ai pas décrit, mais l'idée c'est que en quelques lignes avec call CC, on peut capturer les bonnes continuations et réactiver les bonnes la continuation de la coroutine qu'on veut réexécuter. Et puis bon, ça c'est une autre opération qui consiste à donner la main à une coroutine. Donc pour donner la main à une coroutine, on appelle aussi call CC. On fixe sa propre suspension à la continuation qui est donnée par call CC, donc qui représente ce qu'on veut faire ensuite dans le calcul. Et puis on donne la main à la continuation de l'appel. Okay. Alors, j'aurais dû surveiller l'heure, je me suis fait. Donc, je voulais juste vous montrer un exemple de programme qu'on peut écrire dans ce style-là. Par exemple, vous avez ici un type pour les arbres binaires en OCaml, et puis ici une coroutine qui correspond juste à un parcours en profondeur dans l'arbre. D'accord ? Sauf, donc c'est comme un parcours en profondeur, quand on a un arbre vide, eh bien on s'arrête, et on renvoie l'accumulation de ce parcours. Et quand on a un arbre binaire, en fait, on part à gauche, et puis là on s'interrompt. Enfin, on met un point d'interruption. Il dit, ici, je veux bien redonner la main à mon appelant. Et puis, quand il me redonnera la main, quand il exécutera la continuation, eh ben, je partirai à... Ah non, pardon, là, c'était sur la feuille. Ici, je pars à gauche, puis je pars à droite. D'accord ? Donc ici, à chaque fois qu'on rentre dans un nœud, on a une possibilité de s'interrompre. Ben, de cette façon, on peut, par exemple, produire un arbre infini. Vous voyez, c'est un arbre infini qui n'a que des 42 partout. Et puis, il n'y a aucun problème à itérer sur cet arbre infini avec une coroutine. On a ici le co-fold tree, ici c'est une coroutine qui itère sur l'arbre infini en faisant la somme de tous les éléments qu'elle croise sur son parcours. Et à chaque fois qu'on l'appelle, elle fait un pas de plus dans l'arbre. D'accord ? Donc ici, à chaque fois que je fais résume de ma coroutine, elle fait un pas de plus et je vois ici la somme partielle qui s'affiche. Donc j'ai pu avoir ici définir ici un programme complètement indépendant de son usage, et tellement indépendant que même si on en fait un usage infini, on peut quand même l'exécuter. Alors, je voulais terminer en vous montrant que même si donc ColCC maintenant, comment ça s'implémente? L'idée, c'est qu'à chaque fois, donc vous vous souvenez peut-être de la pile des appels de tout à l'heure, où je vous ai montré que les adresses de retour étaient empilées à chaque appel de fonction. Mais en fait, ColCC, ce qu'il fait, c'est qu'il copie la pile d'appels dans une valeur, d'accord? Et puis quand on fait throw, il écrase la pile courante avec cette pile d'appels. Ça, c'est un procédé un peu violent, et tous les compilateurs ne l'acceptent pas comme étant une opération licite, et tous les systèmes non plus. Du coup, il y a beaucoup de langages de programmation qui n'ont pas ces procédures ColCC et throw. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas quand même programmer avec ColCC et throw dans ces langages. Alors pourquoi? Parce que il y a une blague chez les programmeurs fonctionnels qui est que les langages fonctionnels, la programmation fonctionnelle est supérieure à toute autre programmation. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut représenter n'importe quel langage de programmation à l'aide d'un langage fonctionnel. Du coup, évidemment, dès que vous voulez faire la programmation impérative ou la programmation avec des continuations, vous pouvez la représenter dans un langage fonctionnel. Pourquoi? Parce qu'en fait, il existe une notion de monade qui consiste à dire que pour embarquer un langage de programmation L dans un langage H, en fait, il suffit de définir une monade en H qui représente les calculs de L, qui les représente et qui les signe. D'accord ? Alors, quelle est l'idée d'une monade ? En fait, c'est de définir un type. C'est là que la notion de type, d'abstraction de type, est vraiment importante pour la structuration du contrôle. C'est qu'en fait, ici, on va représenter ce que c'est qu'un calcul licite pour la monade qu'on est en train de définir. Donc, une valeur de type AM, ça représente un calcul structuré de la façon dont le langage L aime structurer les calculs. Et on va avoir une rigueur, enfin une discipline de construction des programmes dans ce langage à l'aide de deux opérations. L'une qui s'appelle return, qui prend n'importe quelle valeur du langage hôte et la voit comme un calcul de L. C'est juste pour avoir au moins autant d'expressivité dans la monade que dans le langage de programmation qu'on essaie de simuler. Et puis, on va avoir une opération bind qui prend une opération qui produit du A. Une fonction qui représente comment passer de cette valeur de type A vers un nouveau calcul qui produira du B, pour produire un calcul qui produit du B. D'accord ? Donc c'est une façon de connecter les calculs. Alors ça peut sembler un petit peu abstrait, et j'avais prévu un exemple que je vais faire, malgré tout. Vous expliquer comment on implémente la monade de non-déterminisme. Donc, qu'est-ce que c'est que le non-déterminisme ? C'est quelque chose qu'on n'a a priori pas dans les langages de programmation si on oublie la fonction random. C'est le fait qu'à un moment donné, vous allez choisir une valeur parmi plusieurs valeurs, et puis vous ne savez pas exactement laquelle. D'accord ? Alors ça, c'est très utile pour définir des algorithmes. Par contre, dans les langages de programmation, en général, c'est pas une opération courante. Alors ce que je vais montrer, c'est que on peut rajouter une opération non déterministe dans un langage comme OCaml, et cela à l'aide d'une monade. Donc on va prendre un exemple, un problème tout bête. Vous avez le type des cartes de restaurant, donc vous avez des M, c'est pour 1000, donc c'est un plat avec une certaine description, une chaîne de caractères. Et puis, vous avez évidemment des choix entre différentes sous-cartes à un moment donné. Et puis, vous voulez probablement prendre plusieurs plats, donc vous voulez accumuler ces choix. C'est ce qu'on représente avec M ici. Et la question, c'est si je vous donne une carte donnée, est-ce que vous savez calculer tous les menus possibles pour cette carte ? D'accord ? Alors, quand on est un programmeur fonctionnel qui ne connaît pas les monades, donc on va écrire du code un peu comme ça, que je vais essayer d'expliquer. Si j'arrive à le montrer sur mon écran. Non, je vois pas. Voilà. Donc vous allez dire, ah oui, alors je peux faire ça, d'accord, si tu me donnes un P, donc ça c'est le type des cartes, d'accord, je vais te produire la liste des cartes, mais dans lequel il n'y a aucun OU, en fait. C'est un invariant qu'on ne voit pas dans le type. Mais qui est... Alors comment je fais? Alors si tu as juste un plat, c'est facile, c'est juste une liste qui contient un plat. Si tu as un OU, alors là il se passe quoi? Bon, alors voyons. Tu vas aller regarder récursivement dans PS comment voir tous les menus qu'on peut déduire de ces cartes-là. Puis tu obtiens une liste de listes. Et en fait, comme tu as un OU, il faut aplatir cette liste en une liste de listes de listes. Alors pourquoi? Parce que c'est pas clair, je sais pas. Comment? Tu as une liste de listes et tu repasses les listes. C'est pas ce que j'ai dit. Ah oui, c'est ce que je voulais dire, pardon. Il y a une liste de listes. Une liste qu'on flattonne, ça prend une liste de listes et ça met à plat toutes les listes. Donc ça vous donne une liste de A. Si vous avez une liste d'entiers, ça vous donne une liste d'entiers. Vous avez juste concaténé toutes les listes les unes à la suite des autres. Donc ici, bon, on a des choses un petit peu compliquées que peut-être un programmeur féru de listes sait comprendre en dormant. Et puis si on a un E, alors là c'est un peu plus compliqué encore parce qu'en fait vous avez une liste de E. Qui peut, donc il peut y avoir des OU, donc c'est-à-dire qu'il faut faire toutes les combinaisons, vous voyez. Donc là, il y a une fonction récursive à écrire, alors je ne vous la détaille même pas, regardez comme elle est compliquée. La list flatten de map, de... Bon, c'est un truc impossible à comprendre, j'y arrive pas, j'ai sûrement fait des... Non, j'ai pas fait d'erreur ici, mais j'aurais pu. D'accord. Alors que finalement, ce problème, je peux expliquer sa solution à mon fils sans faire. Mon fils qui a 4 ans et demi, sans passer par des listes, des maps, des flatten et des choses compliquées. En fait, je pourrais juste lui dire, bah, tu prends le menu, et puis à chaque fois que tu as un OU, tu en choisis un. D'accord? Et puis tu passes à la suite. C'est simple. Mais en choisir un, comme ça, arbitrairement, c'est pas quelque chose qu'on a dans les langages de programmation. Et pourtant, quand j'ai expliqué ce processus-là, je viens de décrire comment avoir comment construire un exemple de choix. Et il suffit juste de dire maintenant, à chaque fois que tu as fait un choix, suppose maintenant que tu as un moyen, à chaque fois que tu as fait un choix, de faire la combinatoire de tous ces choix. Et donc, qu'est-ce que c'est ah oui, j'ai oublié de l'écrire avec vous. Mince. Damned. Je vais arriver un tout petit peu en retard à mon cours, mais c'est pas grave. On m'excusera. En fait, on peut se placer dans ce qu'on appelle la monade de liste. Alors la monade de liste, je vais juste vous montrer sa signature. Donc elle a les fonctions return et bind. Alors ça veut dire bind, c'était l'opération qui compose les calculs. Et puis surtout, on a un opérateur qui s'appelle pick. Pick, ça prend parmi une liste de choix un certain choix. C'est le calcul qui choisit de façon non déterministe parmi des choix un certain choix. D'accord ? Alors du coup, c'est super facile d'écrire la fonction dans la monade. Maintenant que j'ai ce nouveau langage de programmation, il suffit d'écrire la fonction identité dans la monade. On commence par écrire la fonction identité, donc c'est une fonction de type p flèche pm, comme ça. Donc ça dit quoi? Ça dit que si on a m de s, et on retourne m de s. Si on a end de ps, on fait on itère sur PS. Si c'est la liste vide, on retourne la liste vide. Ah, pardon. Si j'ai XS, je fais box de XS. J'obtiens un résultat, puis je le compose avec. Pardon. Qu'est-ce que je raconte? Je fais expand de x. J'obtiens un résultat que j'appelle y. Je fais aux de xs. J'obtiens un résultat que j'appelle ys. Et puis je renvoie x. Pardon. X de xs. Et donc, excusez-moi. Mmh. Donc ça, c'est, je suis juste en train d'écrire la fonction identité sur... c'est exactement le même code ici et là. Donc, oups, pardon. Donc là, je viens d'écrire une fonction qu'on appelle la fonction identité. Elle prend un menu, une carte, et puis elle la décompose, mais pour la recomposer exactement de la même façon, à peu de choses près, dès que j'aurai écrit ici end et là or. D'accord ? Donc, j'ai rien fait ici. En fait, je déconstruis puis je reconstruis dans la monade. D'accord ? Mais en fait, c'est juste la fonction identité. Je suis allé un peu vite, mais ici, on a une fonction aux qui renvoie, vous voyez, la liste vide, ça renvoie la liste vide. Je me rappelle récursivement sur expand. Je me rappelle récursivement sur la liste des XS. Et puis, à la fin, je renvoie la liste elle-même. Donc, c'est vraiment la fonction identité. Donc, c'est parcourir l'arbre dans la monade. Et puis, en fait... Pour maintenant avoir l'expansion, bah c'est juste que ici je fais pas tout ça. Je dis juste que je veux choisir aléatoirement, enfin pas aléatoirement, arbitrairement, un certain P sur le OU. Donc ce que dit maintenant ce programme, c'est que sur le E, je fais rien de spécial, je passe juste à la suite. Par contre, sur un OU, j'en choisis un parmi mes choix. Donc ce programme-là, ça représente l'explication que je ferai à mon fils de 4 ans pour lui expliquer comment choisir un menu parmi une carte. D'accord ? Et en fait, il s'avère que la monade, elle me donne une fonctionnalité intéressante qui est la fonctionnalité run. Run, ça prend un calcul et ça va me renvoyer la liste de toutes les exécutions possibles de ce programme-là. D'accord ? Et c'est là qu'il va y avoir toute la combinatoire qu'on avait vue avec le list flatten et les list map, enfin des choses trop compliquées pour moi. En fait, ça va être internalisé dans le calcul qui est présenté dans la monade. D'accord ? Et j'ai plus de batterie. Bon, ça me force à arrêter. Mince, j'aurais dû... Et puis il est 15h30. Allez, la conclusion. Il y a une prise ici. Tu veux. Comment ? Oui, je vais peut-être me brancher. Donc, ce qu'on a gagné avec les monades, c'est une forme d'abstraction du contrôle, de l'ordre dans lequel sont faits les calculs. Et en fait, ce que je voulais vous montrer ensuite, mais là, je ne vais vraiment pas avoir le temps, c'est que la monade de continuation, la monade. Qu'on peut très bien représenter une monade qu'on appelle la monade de continuation et qui va fournir une opération call CC. Donc même si votre langage de programmation vous donne pas call CC, bah vous pouvez le simuler dans n'importe quel langage de programmation fonctionnel. Bon, ça démarre. Voilà, donc je sais pas si j'aurais aimé montrer ma conclusion pour terminer, mais l'idée de la la conclusion, c'est que aujourd'hui on a donc des langages de programmation fonctionnels qui avec CallCC ont la même expressivité de calcul qu'avec le GoTo, sauf que comme maintenant les étiquettes sont des valeurs de première classe, on peut leur plaquer ce qu'on appelle l'abstraction de type pour structurer l'usage et rendre possible la définition de structures de contrôle arbitrairement complexes. Comme par exemple des coroutines qui sont complètement déconnectées de la discipline de pile habituelle qu'on trouve en programmation structurée. Voilà, c'est un petit peu la morale. Il s'agit un peu accéléré, pardon, du... Est-ce que vous voulez poser des questions pendant que... Si vous avez des questions... Oui. Oui, alors d'abord, je suis heureux de voir que la communauté Cabel se décide enfin à s'intéresser à CallCC, parce que quand j'étais sorti dans les années 80, les bénévoles en train de parler, donc ça c'est une bonne nouvelle. Je pense que dans votre exposé, il y a des trous au niveau de l'histoire qui me paraissent problématiques. Il faut un petit peu la vue des choses. Je ne crois pas du tout qu'il y ait un rapport entre Côte-Cécé et le Gotou. Et le Gotou. Il y a eu une problématique du Gotou. Vous n'avez pas cité d'ailleurs Arsac, qui lui avait dit que de toute façon, ce n'est même pas le wild, le if wild qu'il faut, mais un wild avec un exit de plusieurs niveaux dans une boucle. Moi, je pense qu'il avait mis un terme au débat là-dessus. Et en ce qui concerne le COCC, c'était beaucoup plus le conflit entre les opératifs et les fonctionnaires. Et en particulier le fait que, justement, tout ce qui était processus concurrent, et à commencer par les coroutines, n'était pas faisable dans les langages fonctionnels d'avant COCC. Plus précisément, des langages fonctionnels qui ne savaient pas évaluer proprement une langue d'expression. Le problème était exclusivement là. Et avant COCC, il y a eu tout un tas de bouts d'histoire dont vous n'avez pas parlé, en particulier la pile spaghetti, hein, qui était justement quelque chose qui essayait d'implémenter des coroutines, hein, uniquement avec les moyens du bord à l'intérieur de l'ISP. C'était le seul langage fonctionnel pendant très longtemps. Le problème, il était là, c'est comment arriver à prouver aux impératifs qui voulaient absolument rester dans l'univers impératif, que ce soit avec Gotou ou sans Gotou, encore une fois, je pense que le problème était vraiment secondaire là-dessus, c'était comment leur prouver qu'on pouvait tout faire, y compris du multiprocessus, à l'intérieur des langages impératifs. Et COCC, ça a été, exactement, d'abord, le fait d'évaluer proprement le lambda expression, on a mis beaucoup de temps à y arriver, c'est ça qui a permis effectivement d'écrire des coroutines. Et là, il y a l'autre langage que vous n'avez pas du tout cité, c'est Plasma, hein, qui, à mon avis, est le premier langage qui a amené un opérateur qui était le COCC, mais ça ne s'appelait pas comme ça dans Plasma. Et il a donné un exemple que je trouve le plus parlant de la problématique, c'est effectivement le problème dit du same fringe, c'est-à-dire que vous avez deux arbres, et vous voulez regarder s'il a les mêmes feuilles, même si la répartition des nœuds n'est pas la même. Alors, on fait ça en langage traditionnel, on vous dit c'est pas difficile, j'aplatis les deux arbres, et après j'ai plus qu'à faire une comparaison entre mes deux listes. D'accord ? Bon, évidemment, le but du jeu, c'est de dire, bah non, parce que si j'ai un arbre, voir un arbre potentiellement infini, je veux pouvoir m'arrêter tout de suite. Et là, c'est les coroutines, effectivement, qui s'imposent. Le gros avantage de cet exemple, c'est que comme c'est récursif de parcourir un arbre, c'est pas seulement l'état d'une ou deux variables dans un coin que vous devez sauvegarder. L'exemple que vous avez donné avec le 4-quart, malheureusement, il se réduit à ça. C'est quand vous avez en plus une pile à même pile. Pour moi, c'est l'exemple qui est assez fondamental. Et l'autre exemple aussi qui a beaucoup impressionné les gens, c'est la problématique du coup parallèle. Vous avez deux conditions. Vous voulez dire, je vais faire quelque chose si l'une des deux conditions au moins est vérifiée. Sauf qu'il y en a une des deux les deux peuvent générer un calcul infini, d'accord ? Mais si on a une qui répondrait, c'est pas la peine de se perdre dans la deuxième. Le problème, c'est qu'on ne sait pas laquelle. D'accord ? Et donc, là, de nouveau, on a un truc de coroutine qui est, j'évalue un coup à droite, un coup à gauche, et puis dès qu'il y en a un qui me répondrait, je vais pouvoir arrêter. Et pour moi, c'est ces exemples-là qui ont été vraiment déterminants dans le fait qu'il fallait trouver quelque chose qui nous permet. Alors, de nouveau, ce ou parallèle, on peut le simuler en impératif, et puis en fonctionnel, non, sans fonction de première place, donc on ne retrouve pas. Elle est là, la problématique, à mon avis. Elle est vraiment beaucoup plus là que dans la problématique du Gotou, qui, à mon avis, était déjà une question qui se pose au fonctionnaliste du Gotou. Ok, mais. Bon, je. Enfin, mon but, c'était pas de faire de l'histoire au sens. Mais peut-être que mon exposé le laissait à penser, mais je ne cherchais pas à être exhaustif. Moi, je cherchais juste à raconter. On voit aujourd'hui de plus en plus l'arrivée des constructions fonctionnelles dans les langages mainstream. D'accord ? Et donc, l'idée, c'est d'essayer. Comment dire ? De parler un peu aux gens qui font pas la programmation fonctionnelle, parce que je connais bien tous ces problèmes là enfin Plasma je connaissais pas, mais je suis désolé, c'est les exemples que j'ai choisi. Encore une fois, je suis très content que vous s'intéressez en face. Ouais, mais on le fait de toute façon typé. Hein. On le fait sérieusement, je veux dire. Bon, je vais essayer d'autres marques. Oui, oui, j'en ai une. Donc, il y a les coroutines, il y a. J'ai oublié, mais il y en a d'autres. Oui, le non-déterminisme, c'est ouais. Le, enfin, le choix non-déterministe et ouais. Le backtrack sur les choix, ouais. Genre l'opérateur en de McCarthy. Ouais. Il y a les autres situations d'inversion du flow de contrôle, c'est un peu plus. Enfin, que, disons, avec les coroutines, j'ai les générateurs. Avec les générateurs, je peux inverser une situation qui est en général déjà inversée, comme. la programmation événementielle où on répond par une callback mm-hmm. Et c'est pas agréable de programmer comme ça et donc je vais passer un générateur que j'ai obtenu à partir de mon programme je vais simuler le fait que je suis pas en événementiel de façon à me tirer d'affaire en inversant deux fois mais je connais pas voilà, ça c'est des cas pratiques que j'arrive à enseigner à des étudiants d'utilisation de continuation mm-hmm. Mais en, le reste il n'y a pas. Enfin, disons, ah oui, voilà, bien sûr, les exceptions, c'est ça que je cherchais. Oui, les exceptions. Ouais. Je suis un peu lent parce que j'ai un deuxième thread qui mouline, qui mmh. Cherchait ce que. Voilà, donc les exceptions, ça c'est le numéro un. Hein. Deuxièmement, les coroutines qui sont revenues à la mode, on les a en Python, on n'arrête plus d'en utiliser par exemple. Et puis des trucs plus anecdotiques comme l'inversion du flow de contrôle par l'utilisateur dans le serveur web quand je fais back avec mon utilisateur fait back dans le navigateur, il faut que j'ai sauvegardé la continuation de ce qu'il avait fait sur la page précédente pour pouvoir le rappeler, pour pouvoir rejouer l'état du programme auquel on était, etc. Mais une fois qu'on a fait ce tour-là, je ne trouve plus rien pour vendre les continuations. Ah, pour vendre. Est-ce que tu as quelque chose que je pourrais ajouter Il y a l'intérêt théorique de. Oui, oui, non, de mais ça, ça va. Ouais, mais pour les étudiants. Il y a une casse là-dessus, si tu veux. Ah oui. La programmation fonctionnelle, c'est la beauté des mathématiques avec. Enfin, je ne sais plus exactement en fait, mais en gros, ça dit on aime que l'abstraction. Je dis ça pour la logique classique. Oui. Non, mais je parle de trouver un problème de programmation. Un problème de programmation. Pas un problème de logicien ouais, ou de théoricien de la programmation. Il est trouvé une application. Bah, y a tout ce qui est les streams. Hein. La déforestation à la volée. Quoi. Ouais. Ouais, c'est ce que tu voulais dire par inversion du coup. Le yield de Python. Ouais. Ah oui, il y a la paye récursion. La paye récursion gratuite, c'est un peu. Ouais. Mais c'est une arnaque parce que la pile, elle est dans le tas. Ouais. Il y a la programmation réactive, hein, mais ouais. Ça revient un petit peu au callback. Enfin, on peut le voir comme ça, mais. Enfin, ouais, si on déroule un peu, mais voilà, ouais. Ouais. Peut-être la programmation fonctionnelle réactive. Ouais, j'ai pas d'autres exemples que ce que tu as cité en plus, là, comme ça, qui me viennent. Ce que je veux dire, c'est que tu as l'île de Python, tu as les exceptions, une fois que tu as mis ça dans un langage. Tu n'as plus besoin de manipuler les continuations directement. C'est l'impression que j'ai. Voilà. Sauf la petite arnaque sur le navigateur web. En fait, ouais. Ouais. Enfin, c'est des coroutines, oui, ok. Des histoires de tout simplement retarder du calcul ouais, avec des futurs, des choses comme ça. Hein. Mais ça, on peut dire que c'est une forme de programmation réactive. Oui, parce que pour les composés, en fait, il faut. Enfin, ça dépend si on a un opérateur de composition pour les futurs. Pour le lazy c'est pas exactement les futurs, c'est pas exactement comme les lazy. C'est l'idée de mettre en de façon asynchrone un calcul un calcul en arrière-plan. Et puis donc il existe, il est peut-être lancé, on ne sait pas trop. Et puis à un moment donné, on veut vraiment le résultat. Donc on force l'évaluation. Mais le lazy, lui, il attend le dernier moment, le moment où on le force pour calculer, alors que les futurs peuvent commencer quand il y a de la ressource de disponible. C'est une généralisation du lazy, d'une certaine façon. On calcule dès qu'on peut, quoi. On dit juste, c'est juste une sorte de promesse indiquant que plus tard, on aura besoin d'une certaine valeur, un certain résultat, un certain calcul. Donc, non, j'ai pas de... J'ai pas d'autres exemples en tête, là, tout de suite. Oui, la programmation réactive, quand même, c'est pas encore bien au point, parce que tu as raison de souligner qu'on l'a peut-être au point, quoi. C'est juste pour les programmeurs de base, pas les gens qui... On cache la programmation. Quand on regarde Spark, par exemple, c'est la programmation réactive, la fonction de la réactive, sans le dire. Et... Enfin, je pense qu'elle commence à filtrer un petit peu dans le... Donc en public, la programmation réactive. Non, j'ai pas d'autres exemples que ce que tu as cité. Sinon, on peut interdire les sous-programmes ou les obliger à faire ça avec des continuations. Oui, on peut interdire. Je file. Non, merci beaucoup, Yann. Merci. Merci d'avoir retardé ton cours aussi, spécialement pour nous.